barre des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau Mardi de l'espace, ce rendez-vous habituel maintenant des mardis, où ce soir nous allons nous intéresser aux forêts, au climat, à la biodiversité et à l'observation de la Terre. Alors, exceptionnellement, contrairement à nos habitudes lors des autres mardis, on va s'envoler hein, tout de même, quelques centaines de kilomètres là au-dessus de la Terre, mais on ne va pas braquer nos yeux vers l'infini, vers l'univers lointain, les galaxies, les nébuleuses, les étoiles, mais on va les braquer sur nous, sur notre Terre, notre chère Terre, qui aujourd'hui, avec 6 milliards d'êtres humains, notre présence, on a un impact quand même qui est assez important hein, sur la biodiversité, sur notre environnement, une relation avec la nature que les chercheurs, que les scientifiques étudient, essayent d'analyser, de comprendre, de prévoir, de prédire. Et on va essayer de comprendre un petit peu ce que l'observation spatiale, oui, l'observation spatiale peut nous apporter justement dans la compréhension de cette relation qui nous unit, ou nous désunit parfois, avec la nature et l'environnement. Alors, pour parler de tout ça, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir trois invités, Pierre Bahurel, Paul de Frépon et Yann Kerr. Alors, on va commencer avec Pierre. Bonsoir. Alors Pierre, vous êtes océanographe de formation, vous êtes chef de projet Mercator depuis 1999 et aujourd'hui directeur de la société Mercator Océan. Et vous avez publié en janvier 2011 le premier bulletin de prévision océanique. 2001. Oui. Alors racontez-nous tout, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi être directeur de la société Mercator Océan? Mon métier consiste à prévoir la température, les courants, la salinité des océans, la couverture de glace au pôle nord, au pôle sud, la production primaire, c'est-à-dire les phytoplancton. Donc c'est ça notre métier. Et l'originalité de Mercator Océan dans le paysage français, et international, on a quelques collègues du même genre, mais c'est d'avoir créé, d'avoir transféré tout l'acquis scientifique, la capacité à modéliser les océans, à faire de la bonne recherche, vers des produits qui sont disponibles, comme on a des prévis au météo, on a des prévis océaniques. Alors c'est une grande société qui est basée où? Mercator, c'est une énorme société qui fait 50 personnes et qui est connectée sur l'ensemble, elle est grande par sa force de rayonnement et de collaboration, puisqu'on est en lien avec tous les centres du même type qui sont répartis sur la surface du globe, et en particulier avec nos collègues au niveau européen. Voilà, donc c'est un groupe de 50 personnes qui est né essentiellement dans le milieu de la recherche en France, qui a appris le métier de l'opérationnel, c'est-à-dire de transférer ça sur du temps réel, de faire de façon avec des processus informatiques qui sont garantis, et qui aujourd'hui travaille de façon définitive, je pense, au niveau européen, à structurer un centre européen avec nos collègues italiens, espagnols, britanniques. Ce sont tous des scientifiques, les 50 personnes? On trouve des océanographes? Dans ce groupe de 50, il y a l'essentiel de cette population, c'est une population scientifique, qui a un profil d'ingénieur ou d'universitaire se spécialisant, qui est venu là soit par l'océanographie, soit par l'informatique, et qui se retrouve à travailler à Mercator Océan. Donc l'essentiel est dans cette activité-là. Et on a une équipe de prévisionnistes, puisque je vous ai dit qu'on faisait des prévisions. Donc on a une petite équipe de prévisionnistes qui fait des bulletins, qui prépare. C'est quoi un prévisionniste? Un prévisionniste, c'est comme un prévisionniste. Les boules de cristal? Non, c'est pas de boules de cristal à nous, c'est le modèle numérique, c'est les satellites dont on va parler ce soir, c'est les bouées en mer. Ils récupèrent toutes les infos et à partir de ça, ils vous donnent la température de l'eau ou la salinité dans les tropiques pour les 10 jours qui viennent. Je n'ai pas dit vous dirigez le projet international, vous m'excuserez de mon accent, Global Ocean Data Experiment. On a une association internationale des centres d'océanographie opérationnelle qui s'appelle comme ça. Et donc, il n'y a pas de grand dirigeant, ce sont des personnes qui se réunissent au moins une fois par an pour échanger des informations ou des façons de travailler. C'est une mini-organisation internationale. Ouais, voilà. Donc, il faut toujours avoir en référence ce qui se passe du côté météo. Et en météo, ils ont une organisation similaire et les centres météo de chaque pays se réunissent de façon régulière. Souvent à Genève. Nous, en fait, on voyage un peu dans les pays des uns des autres et Vous retrouvez dans des bars, comme ça. On se retrouve dans des bars et on travaille. Excusez-moi, vous pouvez répéter le nom du projet, s'il vous plaît. Alors, le nom du projet, est-ce que vous pouvez répéter? Ce projet s'appelle GODAE. Et c'est un acronyme qui signifie Global Ocean Data Assimilation Experiment. C'est encore quelque chose qui est, entre guillemets, très jeune. En fait, j'arrive pas à savoir si je dois juste parler un petit peu d'une introduction ou si je m'en vais dans l'histoire, mais je peux y aller dans l'histoire parce que 95, c'est l'idée. 90 en France, 97, c'est on y va au niveau international, on lance l'idée. En 2001, c'est le premier bulletin français, donc on a pris tout le monde de vitesse en prenant le premier bulletin, en prévoyant avec 15 jours d'avance température, courant de l'Atlantique Nord. Et ensuite, en 2003, on est 2005, etc. Je vous arrête et je vous propose qu'on y revienne juste après. Volontiers. Merci Pierre. À votre droite, notre deuxième invité de la soirée, Paul de Frépon. Alors, bonsoir Paul. Vous êtes géologue de formation. On a des métiers divers ce soir représentés. Et vous êtes créateur et aujourd'hui directeur du service régional du traitement d'images et de télédétection, le CERTIT à Strasbourg. Vous voulez savoir ce que c'est? C'est quoi le CERTIT? Expliquez-nous tout. Alors c'est d'abord un groupe de personnes, d'ingénieurs, 20,3. Il y en a qui travaillent à temps partiel. 20,3 ingénieurs? Oui. D'horizons différents. Informaticien, physicien, géographe, géologue, géomètre, photogrammètre. Cette équipe pluridisciplinaire exploite de l'imagerie spatiale pour travailler plutôt sur les terres émergées que sur l'océan, dans les domaines. Fort de l'eau. Dans les domaines de temps en temps, sur les plages aussi. Donc, traitement d'images de télédétection, c'est ça? Parce que la matière première pour nous, ce sont des images satellites, et il faut les traiter pour les analyser, les interpréter, et fournir une information que l'on espère utile, très utile, à des personnes ou à des acteurs de la gestion des territoires, de la gestion des ressources naturelles, de la gestion des risques, enfin, on peut encapsuler tout ça sous le vocable environnement au sens large. Et comment vous en êtes arrivé à créer, vous l'avez créé tout seul, comme ça, c'est une idée qui a germé comme ça, comment ça s'est passé? Une histoire personnelle, si vous voulez. Petite, oui. Donc, dans les années 80, j'étais chercheur en géologie structurale, on étudiait les failles, là, pour trouver des gisements miniers associés à ces failles. Donc j'ai fait une thèse en géologie qui s'appelait « Approche multiscalaire de la fracturation d'un massif granitique quelque part ». Un joli nom encore. Multiscalaire, ça veut dire à différentes échelles. D'accord. Donc pendant sa thèse, on fait du terrain. Donc moi, j'ai fait du terrain dessous, dans la mine, dans les carrières. Et puis pour regarder autour des carrières, on s'est dit que la photographie aérienne, ça pouvait aider, mais que le satellite, ça pouvait être... Et j'ai eu une chance extraordinaire de pouvoir aller faire un stage aux États-Unis à l'US Geological Survey en cadre de cette thèse. C'est quoi? C'est un grand institut de géologie, c'est ça? Oui, c'est le. En France, on dit BRGM, Bureau de recherche géologique et minière. Là-bas, c'est l'US Geological Survey, qui à l'époque était le. Très très moteur sur les satellites, les premiers satellites civils d'opération de la Terre américaine, c'était Landsat. Donc, qui les exploitait aussi dans cet axe de prospection minière. Donc, je suis allé aux États-Unis dans ce laboratoire quelques temps, et c'est là que je suis tombé dans la marmite, et ben depuis, je suis resté dans cette marmite. Alors, pour la petite histoire, dans ces années-là, bon, c'était 80, entre 80 et 85, pour faire une image, on avait des listings d'ordinateurs, on imprimait des A et des B et des C, ou des petits points et des zéros, pour fabriquer des images. Et on passait des piles de cartes perforées dans un gros calculateur qui était plus gros que cette pièce, pour traiter des nos premières images satellites. Donc depuis, il y a eu quelques progrès. Et nos jeunes étudiants seront peut-être plus cons que des approches par erreur et essai à l'époque, on ne les faisait pas, parce qu'on passait deux fois la pile de cartes perforées. Donc on s'était dit qu'il fallait améliorer un peu ces moyens de traiter les images, de les visualiser, d'où des travaux d'un ingénieur physicien électronicien qui fabriquait des cartes d'images pour pouvoir visualiser sur les écrans, qui ont fabriqué un restituteur d'images pour mettre des images sur film à très haute résolution et aussi numériser des documents pour pouvoir constituer des bases de données avec des cartes ou des photographies aériennes et rentrer dans les phases de photogrammétrie numérique qui maintenant sont tout à fait courantes. Mais à l'époque, c'était un peu nouveau. Donc on avait intéressé, ce qui avait permis à la structure de vivre au départ, parce que dans les années 80, l'observation de la Terre, c'était la règle du jeu du service quand il a été créé, il fallait qu'il se déroule tout seul pour trouver les ressources en financement. Donc l'observation de la Terre par satellite, c'était pas tout très facile. Donc heureusement, on avait développé cette quincaillerie technique qui nous permettait de numériser des documents et de restituer des documents numériques. Notre dernier intervenant, le troisième en tout cas, encore à votre droite, Paul, Yann Kerr. Alors, vous êtes chercheur donc au CNES, au Centre d'études spatiales de la biosphère, donc le CES Bio à Toulouse. Et vous avez participé à la conception de SMOS, qui est un satellite de l'ESA et du CNES qui mesure la salinité des eaux de mer. Et l'humidité superficielle des sols. Alors, en quoi consiste votre travail, vous, au quotidien ? Au quotidien, je me lève le matin, je fais une petite sieste, je prends mon petit déjeuner. Déjà ? Je dors, je me réveille pour manger, je fais la sieste et je vais me coucher. Je travaille donc sur l'utilisation des données spatiales, principalement pour la gestion de la ressource, que ce soit plutôt orienté végétation, donc agriculture, et tout ce qui va avec. Donc on s'intéresse beaucoup à la gestion de l'eau. D'où ce besoin de connaître un peu ce qui se passait pour une humidité des sols, parce que les gens savent si leur botte colle au sol quand ils vont dans le jardin. Mais avoir une vision globale de cette quantité est un peu plus délicate. Et ça, c'est depuis fort longtemps qu'on essaie d'avoir de l'espace. Et là, le but, c'était d'y arriver. Et je crois que nous y sommes arrivés. C'est un grand laboratoire. Le CEDBIO est un très grand laboratoire par les individus qui travaillent et un tout petit par les normes. Enfin, on est une centaine de personnes. Donc vous vous concentrez vraiment principalement sur les eaux de mer ? Non. Il y a d'autres laboratoires toulousains qui s'intéressent à l'eau de mer. Celui de Pierre Bahurel. Nous, on s'intéresse surtout au continent. Notre laboratoire est caractérisé en fait par le fait qu'il a quatre tutelles. Donc l'université, comme beaucoup de laboratoires, le CNRS, le CNES, donc l'agence spatiale, et l'IRD, qui est l'Institut pour la recherche et le développement. Et on travaille beaucoup sur l'utilisation du spatial, donc, comme je disais, pour la gestion de la ressource, donc l'agriculture. On travaille beaucoup dans les pays en développement pour voir comment on peut essayer à gérer un peu mieux nos ressources. Quels sont les impacts aussi de l'agriculture, etc. On regarde les impacts de l'agriculture, on regarde les cultures, le stockage et relâche du carbone par les différentes cultures, qui sont les plus efficaces, l'appauvrissement des sols, etc. Puis des cultures qui sont consommatrices d'eau et celles qui le sont moins en fonction de la disponibilité. Merci Yann. Merci à vous trois. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que ils sont trois, mais nous avons également dans la salle Pascal Ultre Guérard. Je m'excuse. Pascal Ultre Guérard. Alors vous êtes responsable de l'observation de la Terre au CNES et on vous salue. Merci d'être parmi nous ce soir. Et puis notre dernier intervenant aussi, qu'on n'a pas salué, et qui est là et qui nous accompagne régulièrement lors de nos soirées, notre cher pianiste Xavier Ferrand. Et qui a un petit mot à nous dire. Écoutez, Julien, c'est le hasard fait vraiment bien les choses, parce que je ne te l'ai jamais avoué, mais en fait, je n'arrive pas à gagner ma vie avec le piano. Donc j'ai trouvé un emploi depuis quelques années, parce que c'est monsieur Pollès, puisque je suis gardien de satellite, en fait. Je suis gardien de satellite. Voilà, tout à fait. Je passe mes journées dans un satellite. Parce que quand j'étais jeune, j'étais gardien de phare à 7. Et aujourd'hui, je suis gardien de satellite. Ah bon ? Toute la journée, je vois défiler des chefs d'État corrompus, des troupeaux entiers de zébus, des baleines bleues qu'en peuvent plus, et des smicards qui l'ont dans le camp. J'étais jeune, j'étais gardien de phare à 7. 7 est un port dans le sud de la France. Et aujourd'hui, je suis gardien de satellite. Toute la journée, je vois défiler toutes les femmes à qui j'ai plu, des instituteurs cocus, des intellos qui n'ont rien lu, et des curés qui se grattent le camp. J'étais jeune, j'étais gardien de phare à 7, et aujourd'hui, je suis gardien de satellite. Dernier couplet. Toute la journée, je vois défiler des océans qu'on pollue, des bêtes bientôt disparues, des oiseaux pris dans la glu, et Julien Rastegard tout nu. Ce soir, c'est une invitation. Cette société, la Mercator Océan, on fait des bulletins, etc. Donc, ça veut dire que vous utilisez des satellites pour faire des mesures, etc. Comment ça se passe? Comment vous utilisez ces satellites? Quels satellites? Comment ça marche? Comment ça fonctionne tout ça? Ah, je vais vous raconter. On est aussi des gardiens de satellites. Ils ne sont pas à nous. Alors, il faut comprendre que pour l'océan, on va utiliser trois ingrédients. Des satellites qui vont parcourir l'ensemble du globe et qui voient très bien tout ce qui se passe en surface, donc c'est essentiel. Ensuite, des bouées qui sont en pleine mer et qui ont une caractéristique, c'est qu'elles vont plonger, donc elles nous renseignent sur ce qui se passe sur la verticale. Et un troisième ingrédient qui est important, qui est un modèle numérique. Un modèle, c'est un ensemble d'équations, ça permet en fait d'extrapoler dans l'espace et dans le temps cette information qui a le défaut d'être uniquement en surface pour les satellites et très ponctuel pour les bouées. Et à partir de ce mélange des trois, on arrive à reconstituer une vision dans les trois dimensions, d'être capable d'écrire de la surface jusqu'au fond ce qui se passe en termes de température, de salinité, de courant, etc. Donc dans les trois dimensions et également dans le temps, c'est-à-dire d'aller expliquer ce qui s'est passé dans le passé et puis projeter dans le futur avec des prévisions que nous pratiquons jusqu'à une quinzaine de jours. Mais vous dites que vous utilisez des satellites, donc comment vous faites? Vous appelez le CNES? Vous dites voilà, que j'aimerais bien utiliser ce satellite-là, comment ça marche? Oui, on appelle le CNES, on dit j'aimerais ce satellite-là, et à ce moment-là, il y a des équipes qui se mettent en route. Il y a Pascal qui travaille. Et au bout de 15 ans, le satellite est lancé. C'est très long ce temps. 15 ans? Ouais, je sais pas, 10 ans. C'est très long. Donc on est tout le temps en train de préparer ce qui va se passer dans l'avenir, ça c'est sûr. On est tout le temps en train d'exploiter ce qu'on a aujourd'hui et on est en train de se préparer à ce qui va arriver. Bon, mais en pratique, pour nous, notre vie, c'est qu'on a on est abonné en fait à un flux de données qui est traité, en l'occurrence par le CNES ici, qui va récupérer depuis les satellites toutes les informations qui sont mesurées. Et ensuite, on les récupère nous, chez nous, et à partir de là commence notre travail, qui consiste à les trier, à en vérifier la qualité, à faire la même chose du côté des bouées qui sont traitées plutôt à Brest, donc nous on se trouve à Toulouse, hein. et ingérer tout ça dans nos systèmes, et à partir de là, faire travailler les supercalculateurs qui sont nécessaires pour ce genre de choses. Donc ce que je vous décris est un logiciel qui est un monstre numérique qui va saturer un supercalculateur comme celui de Météo France. L'océan est un milieu qui est beaucoup plus visqueux que l'atmosphère, donc il faut le décrire en beaucoup plus. Il faut le couper en beaucoup plus de petits morceaux que l'atmosphère pour le décrire, donc ça coûte très cher d'un point de vue numérique. Pourquoi ? À cause de la viscosité ? Oui, un tourbillon de l'océan, ça fait 100 km de diamètre, et dans l'atmosphère, ça fait 1000 km. Donc pour le décrire correctement, on va être obligé d'avoir un grillage qui est beaucoup plus fin. Malgré tout, on arrive à faire tout ça. On a des collaborations avec le CNES, avec Météo France, avec le CNRS et l'IRD qui avait cité Yann déjà, et avec l'IFREMER également. Et puis après, avec le CHOM, ça en parlera à un autre moment peut-être pour les applications. En attendant, notre tournée a commencé en récupérant l'ensemble des informations disponibles. On fait tourner le logiciel, on récupère des champs numériques qui décrivent l'ensemble des océans et avec un ensemble de caractéristiques. Et à partir de là, on trie et on fabrique un bulletin. On choisit de présenter la température à tel endroit parce qu'on sait que quelqu'un est intéressé par ça. On sort une information qui est la plus simple possible, et c'est température, salinité, courant, qui sont les trois variables essentielles pour l'océan, auxquelles on rajoute la glace parce qu'on sait que c'est important pour l'équilibre. Sans oublier que les océans, c'est quand même 75% de la surface du globe. Oui, les deux types. C'est 71%. Ouais, c'est... Je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas comment on pourrait ne pas s'intéresser à ce sujet. C'est évident. Oui, c'est incroyable. On est d'accord là-dessus. Ouais. Donc pour avoir la température, la salinité, le courant, on a une information via les satellites qui est essentielle, je vais commencer par celle-ci, qui est la topographie dynamique. La topographie, c'est la déformée du niveau de la mer, non pas les vagues. La topographie dynamique. Voilà, donc c'est ce qui se mesure avec l'altimétrie. Et l'altimètre, radar, c'est un des radars les plus simples qu'on puisse imaginer, mais encore fallait-il y penser. C'est un radar qui envoie une onde, elle se réfléchit. Elle remonte au satellite, il mesure le temps qui s'est déroulé, et on en déduit la hauteur d'eau à cet endroit-là, au compte rendu, voilà. Et on voit des trous et des bosses sur l'océan. D'accord. Pour comprendre de quoi il s'agit, quand on dit que tu as une bosse sur l'océan, c'est. On va avoir une élévation de 50 cm sur une longueur de 100 km. Une élévation de 50 cm sur une longueur de 100 km. 10 cm ou 3 cm. Ou 1 mètre dans les. Et avec ça, on voit un anticyclone, si c'est une déformation comme ça positive, c'est un anticyclone, et s'il y a un anticyclone, on peut en déduire que les courants tournent autour. C'est très exactement ce qu'on a sur une carte météo avec la pression. Des pressions, anticyclones, on déduit les vents, dans l'océan c'est la même chose, il y a aussi des anticyclones et des pressions, et ça se mesure. Notre chance, c'est qu'on a un instrument pour le mesurer qui est le satellite, qui est l'altimètre radar. Et parce qu'on a. Bénéficié en 1992 d'un satellite qui s'appelle Topex Poséidon, collaboration franco-américaine, CNES et NASA. À partir de là, on a eu des informations en temps réel, de très grande qualité, et on a couvert l'ensemble du globe, et on a été capable de cartographier les courants sur l'ensemble de la surface de l'océan. On avait ça à la surface, on a rajouté des modèles numériques qui décrivent ce qui se passe dessous, et on a inventé l'océanographie opérationnelle dont je vous parle. Donc à partir du creux et des bosses, on arrive à observer les courants, dans quel sens ils vont, etc. Voilà. Et on arrive à faire une cartographie de ces courants. Voilà. Quand vous dites courants, c'est les Gulf Stream, c'est ces choses-là. C'est le Gulf Stream, c'est des grands courants comme ça, ou des courants qui sont moins connus, ou des tourbillons, la présence d'un tourbillon qui va. Est-ce qu'il y a beaucoup de courants? Il y en a partout, il n'y a que ça. Voilà. Et c'est des forces. Des grands, des petits, des moyens. Le Gulf Stream, il déplace. Son équivalent de débit du Gulf Stream, c'est la totalité. C'est 20 fois la totalité de l'ensemble des fleuves du monde. Enfin, c'est des millions de tonnes par seconde. On ne peut pas les louper, mais il y a également des petits tourbillons qui sont beaucoup plus difficiles à observer et qui ont évidemment une importance pour la navigation, pour d'autres choses, mais ça on en parlera. Mais ça, c'est que la topographie. Évidemment, dès lors que. On a également des satellites qui mesurent la température de surface, la salinité, qui est un satellite qui est extraordinaire pour, par bien des aspects, mais qui a un grand mérite, c'est qu'il a réuni deux communautés qui sont celles de Yann Kerr et celles de l'océanographie. C'est pour ça que vous restiez sur le. Parce que ce satellite mesure en même temps l'humidité des sols, et quand il est sur l'eau, il mesure la salinité. Ça, plus ensuite des vents, et bien d'autres informations. la couverture de glace autour du nord et autour du sud. À la fin, on a reconstitué un ensemble d'informations. On jette des bouées dans l'eau, on récupère tout ce qui vient des bateaux, on a des moyens de mesure en mer, et on finit par cartographier de façon assez correcte l'océan. Et la température, vous mesurez ça comment ? La température, c'est un radiomètre qui est passif, contrairement au radar actif qui est l'altimètre, qui envoie une onde et qui attend la réponse. Pour mesurer la température de l'eau, c'est un radiomètre passif qui... C'est-à-dire un radiomètre passif. Ouais, mais ça, c'est Yann qui va l'expliquer, parce qu'il est très fort là-dedans. C'est quoi un radiomètre passif ? Déjà, quand on s'ensuit, un radiomètre est forcément passif. Voilà. D'accord. Il mesure la quantité d'énergie qui arrive d'une cible. Vous avez entendu parler de la loi du Coronard, vous sentiez petit, peut-être ? C'était il y a bien longtemps. Oui, il y a bien longtemps. Un corps, il émet de l'énergie autour de lui en fonction de ce qui lui arrive. La quantité d'énergie qu'il peut émettre est liée à ses caractéristiques. Et une de ses caractéristiques, c'est l'émissivité. Sa capacité à émettre. Pardon, sa capacité à émettre l'énergie. Et cette émissivité, c'est une quantité qui est assez intéressante, puisque dans le cas de l'infrarouge thermique, elle est relativement stable. Donc on peut, d'accord, en la connaissant a priori, on regarde la température émise par un corps et on peut déduire sa température physique. Et dans d'autres gammes de longueur d'onde, elle est très sensible à une autre quantité qu'ils appellent la constante diélectrique, qui fait que, je vais prendre l'exemple d'un sol, bien sec, il va avoir une émissivité qui va être proche de 1, donc la température apparente qu'il aura, c'est-à-dire ce qu'on appelle la température de brillance, sera proche de sa température physique. Donc l'émissivité, par exemple, c'est la façon dont il transmet de l'énergie, C'est ça, un corps, il peut... Ça dépend de quoi De cette caractéristique d'un corps, si vous voulez, quand l'énergie passe à travers, elle peut être soit absorbée, soit réfléchie. Et quand elle est absorbée, après, elle doit être réémise ou échauffer le corps. Quand tu dis l'énergie, c'est la lumière, par exemple. C'est le soleil, les échanges de photons aussi. D'accord. Et donc, un sol sec, il aura une émissivité proche de 1. Donc, sa température, s'il fait 30 degrés, la température apparente sera de 30 degrés. Par contre, s'il est très humide, il aura une émissivité qui va être pratiquement d'un demi. Donc, il aura une température apparente en Kelvin. Ce sera la moitié de celle qu'il a en réalité. Non, en Kelvin, il faut retirer 273. Oui, effectivement. Donc, par exemple, un radiomètre, il verra la mer, il la verra aux alentours de 80 à 100 degrés Kelvin. C'est-à-dire, il apparaîtra très très froid. Mais attention, on parle en degrés Kelvin. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse les degrés Kelvin ici. Je ne sais pas. Peut-être rappeler très vite... que l'échelle Kelvin, c'est une échelle de température qu'on utilise fréquemment en physique. On utilise, nous, depuis la nuit des temps, une échelle de température qui est assez simple, puisque le zéro, c'est la température de la glace, de la formation de la glace, et 100 degrés, c'est la température d'ébullition de l'eau. Donc on a les deux phases d'un des composants qui est important pour nous. Dans d'autres pays, ils utilisent une autre unité qui est un peu différente, qui est aussi très bien, c'est le degré Fahrenheit, par exemple, qui est un peu plus compliqué à utiliser par rapport à l'ébullition d'eau, mais qui est aussi valable. Par contre, les physiciens, eux, ils se réfèrent au zéro absolu, c'est-à-dire la température ou la température nulle, qu'ils ont tirée, qui, après, on utilise ça comme point de départ. Par contre, l'échelle est celle des degrés Celsius. C'est-à-dire qu'on aura 273 pour le zéro absolu. D'accord, donc 0 Kelvin, c'est moins 273, c'est ça ? Voilà. En gros, d'accord. Exactement. Donc quand vous dites 100 Kelvin, la température de la mer, c'est 100 Kelvin, c'est à peu près moins 170, 73 degrés, environ. Oui. D'accord. Pourquoi on essaie de bien se référer ? Voilà, donc en fait, ce qu'on mesure, c'est donc ces variations d'émissivité. Et à partir de ça, on peut en déduire soit l'humidité des sols, soit... connaissant la vitesse du vent, la salinité de surface des océans. Et il y a d'autres applications. On peut en déduire un certain nombre de choses sur la glace, par exemple. On peut calculer l'épaisseur des glaces fines, près de la calotte polaire, etc. Et l'âge du capitaine dans certains bateaux. Avec quelle précision ? Plus ou moins 50 ans. Plus ou moins 50 ans, d'accord. Pour revenir à Pierre, donc, vous mesurez avec la topographie, donc ces creux et bosses, etc. La température aussi, et quoi encore? Donc l'altimétrie, là, la radiométrie passive, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, la couleur de l'eau. La couleur de l'eau. La couleur de l'eau. Pour, dont on déduit le phytoplancton. Un peu le même genre, voilà, propriété optique de l'eau. Dont on va se servir. Ça change de couleur. Bah, quand il y a du phytoplancton, c'est vert. D'accord. Voilà. Quand il n'y en a pas, c'est bleu. Et donc, selon la couleur qu'a l'eau, ça permet. C'est important parce que à partir de là, on va en déduire le taux de production primaire, c'est-à-dire le tout début de la chaîne alimentaire, le phytoplancton qui ensuite va être brouté par les poissons, etc. Et donc c'est un des grands enjeux de l'océanographie aujourd'hui, d'être capable de contribuer à modéliser cette partie-là pour qu'ensuite l'écosystème complet soit compris, etc. Et on a un premier niveau d'information qui est accessible via le satellite qui mesure la couleur de l'eau avec un des principes assez proches. Et de notre côté à nous, on essaie de modéliser avec nos équations ce qui se passe après pour être capable d'intégrer cette information-là. Bon, mais une fois qu'on a dit qu'on mesurait le niveau de la topographie et la température de l'eau, on a quand même l'essentiel. On attend avec une très grande impatience de pouvoir intégrer dans nos systèmes la salinité, ce qui est, on est prêt, on a déjà testé, donc c'est le satellite SMOS qui va nous permettre de... C'est grâce à Yann. C'est grâce à... Que à lui. Il doit beaucoup. Merci Yann. Et avec ça, on aura les trois fondamentaux qui sont température, salinité et courant, ce qui est important. Donc ça, c'est les trois facteurs fondamentaux, oui. qui vous servent au final à quoi? À être capable de vous décrire la circulation de l'océan. On n'a pas besoin d'autres paramètres. On est content d'avoir autre chose. On a évidemment besoin, je ne veux pas l'oublier, d'avoir les vents qui soufflent à la surface de l'eau. Donc là, soit on prend des modèles météo, soit on prend des satellites qui mesurent ça avec des techniques de physiométrie. Mais si on veut retenir qu'une chose, on n'a qu'à dire température, salinité, courant. Mais je ne veux pas parler que des satellites. Il y a également nécessité, comme j'ai expliqué, d'aller au fond. Et là, il y a des bouées. Des bouées au sens où soit elles flottent et on leur suspend des capteurs de température ou de salinité ou de choses, soit elles plongent. Donc là, on a des systèmes qui sont extraordinairement intéressants, qui s'appellent des profileurs, qu'on met à l'eau, qui vont plonger à une profondeur qu'on leur a assignée, par exemple à 1000 mètres. Ils vont rester bien tranquillement à 1000 mètres pendant 10 jours. Ils vont dériver avec les courants qu'on observe à 1000 mètres. Au 10e jour, ils plongent à 2000. Et là, ils remontent en mesurant température et salinité, température et salinité, température et salinité. Ils arrivent en surface. Là, ils sifflent. Ils appellent le système satellite Argos. Ils transmettent par satellite les observations qu'ils viennent de faire, donc 2000 mètres à zéro. Quand Argos a validé, ils replongent, ils se remettent à 1000 mètres et ils redisparaissent. Et ils font ça pendant 3 ans. Et donc, nous, on récupère les informations grâce à Argos et on intègre ces informations sur la température et salinité profonde dans nos systèmes. C'était une idée qui était géniale. Petit à petit, il y a des instruments comme ça qui ont été fabriqués. Il était impossible à l'échelle d'un pays de mettre assez de profileurs de ce type-là à l'eau. Il y a une collaboration au niveau international dans le cadre de ce dont on a parlé tout à l'heure, qui est de cette association de... Okay. Voilà. Et aujourd'hui, on a 3000 instruments de ce type qui naviguent sous l'eau et qui tous les 10 jours remontent, transmettent l'information. Ça, plus des satellites, ça va nous donner une surveillance de la surface et des profondeurs qui est exceptionnelle jusqu'à maintenant, mais qui est essentielle aujourd'hui. Donc en fait, oui, si je comprends bien, vous ne mesurez pas, on ne mesure pas tout à fait la même chose quand on est en mer et quand on est en l'air. C'est des informations qui sont complémentaires et qui permettent d'avoir des mesures globales. Une phrase assez simple, le satellite, il a énormément de mal à pénétrer la surface de l'eau. Pourquoi? Donc parce que les ondes, elles arrivent et puis elles s'arrêtent. Elles s'arrêtent. Ouais. Bon, après, on peut en déduire. Quand, par exemple, si on voit des déformés de la surface de l'eau, on sait que c'est dû à un changement dans la densité qui s'explique par... Donc on peut en déduire ces informations sur ce qui se passe dessous. Mais en pratique, la mesure satellite est essentiellement une mesure de surface. Et donc le combiné, mais c'est vrai pour toutes les disciplines de toutes les sciences, le combiné entre la mesure in situ, sur place, et la mesure satellite est fondamental. Et c'est vrai, dans le métier de Poule également, de Yann, on a bien besoin d'aller voir sur place comment ça se passe. Et ce n'est pas une compétition entre les deux techniques, c'est évidemment complémentaire. Justement, je voulais... Comment s'appelle le système de ces deux profileurs? Ça s'appelle des profileurs Argo. A-R-G-O. Et en France, le champion de ça, c'est l'Ifremer. Merci Pierre. Justement, je voulais en venir à Paul, parce que là, on était un petit peu en mer. Revenons un petit peu sur Terre et expliquez-nous, vous, Paul, justement, qu'est-ce que vous mesurez aussi, comme Pierre, au CERTI. On va rester en mer ou sur l'eau. Hein. Pour, ah, restons en mer. Pour faire le lien avec la physique de manière plus concrète, oui. Si on met du pétrole sur une surface d'eau, et que le pétrole est là depuis un certain temps. Ce qui n'est pas terrible en général. C'est pas terrible, ça peut être un accident. Au bout d'un moment, l'équilibre thermique se fait, l'huile est à la même température que l'eau. Mais dans l'infrarouge thermique, on va la voir parce qu'elle n'a pas la même émissivité. Donc on pourra détecter la nappe d'huile. Pareil avec les ondes radar. La rugosité de la nappe d'huile qui lisse la surface de l'eau permet de la détecter. Autre exemple sur l'émissivité dont on a évoqué le truc tout à l'heure. Si on met du zinc, je crois que le zinc a une très faible émissivité, surtout à une centrale nucléaire, elle va paraître vachement bien isolée. C'est vachement important l'émissivité quand même. C'est un paramètre physique intéressant à suivre pour en déduire des propriétés sur la surface et la température, mais ses variations dans le temps aussi. L'inertie thermique est aussi un paramètre très intéressant. Il y a des choses qui se refroidissent et qui se réchauffent très, très vite, d'autres très doucement. Alors, une nappe phréatique pas très loin de la surface, eh bien, elle va avoir une grosse inertie thermique. On va peut-être pouvoir la détecter à partir d'images. Hein. Donc, on essaye d'exploiter tous ces satellites dans toutes les bandes de longueur d'onde dans lesquelles l'atmosphère est transparente et pour lesquelles on a des capteurs qui nous permettent de faire des mesures pour en tirer des paramètres de la surface, cartographier ces paramètres pour en déduire une information. On passe d'une mesure physique à une information cartographique qui va pouvoir être intégrée des systèmes d'information pour des applications de gestion, de suivi, de forêt, d'agriculture, de ressources en bois. Parce que oui, vous notamment, vous travaillez pas mal sur les catastrophes naturelles, si j'ai bien compris, avec les pompiers, tout ça. Oui. Donc on essaye de répondre à des sollicitations lors d'événements catastrophiques importants pour fournir une information le plus vite possible. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de votre action lors d'une catastrophe? Ça peut être le tsunami au Japon, enfin, ou dans l'Océan Indien, Sumatra, il y a quelques années, le séisme en Haïti, les inondations en Pologne ou au Pakistan, des feux à La Réunion, affectant le massif Maïdé, préserver. Donc, pour que ce soit utile pour les services de protection civile ou les décideurs qui décident d'envoyer des gens sur le terrain, c'est d'avoir l'information très vite. Si elle arrive alors que les pompiers sont déjà rentrés, elle ne sert plus à rien. Donc là, le jeu est assez complexe parce qu'il faut pouvoir mobiliser des satellites. La première donnée, c'est la meilleure. Ce ne sera pas forcément techniquement la meilleure. Mais si on attend 8 jours, ça ne sert à rien. Donc c'est le premier satellite qui passe qui fournira la donnée exploitable. Donc vous faites des cartes à partir des données des satellites. En fait, vous fournissez des images. Non, des cartes. Des cartes. Des cartes. Des cartes qui permettent, dans un premier temps, aux décideurs de prendre conscience de la dimension de l'événement. Est-ce que c'est tout petit ou est-ce que c'est énorme? Est-ce que j'envoie un porte-hélicoptère? Est-ce que j'envoie des pompiers? Est-ce que j'envoie des avions? Qu'est-ce que j'envoie? Machin pour faire de l'eau, pour des chiens, pour des... Et mais alors pour ça, par rapport à ce que je demandais à Pierre justement, vous avez le droit ou vous utilisez certains satellites toujours les mêmes, ou alors à un moment donné vous avez l'autorisation d'utiliser ce satellite pour faire une carte ou comment? Alors pour ce type d'application de réaction d'urgence, de cartographie à partir d'images satellites, il y a un contexte international qui est une charte internationale, l'espace et catastrophe majeure, qui fédère tous les pays qui ont des ressources spatiales et qui les mettent en commun sur une manière un peu volontaire, hein, du best effort, du meilleur effort possible, pour fournir à la communauté internationale l'imagerie nécessaire pour faire ces analyses. Donc cette charte a une dizaine d'années d'existence. Et elle, 2000, hein, non, c'est ça? 2000, je crois. Hein. Une dizaine d'années, 99 ou 2000, officiellement sous la 2000. la charte internationale espace et catastrophe majeure. Donc, lorsqu'un utilisateur autorisé de ce mécanisme tire la manette, il y a un opérateur qui prend ce message et qui tout de suite programme l'acquisition d'images pour un certain nombre de satellites. Donc, suivant le type d'événement et suivant le lieu, en fonction des orbites des satellites, on choisit. Alors, soit des satellites très précis si on veut voir des maisons collapser, ou des satellites à très large champ si on veut voir une inondation qui couvre un pays comme le Pakistan. Sur combien d'altitude tous ces satellites? C'est vrai qu'on a... c'est des satellites qui sont proches, loin, enfin... Bon, ceux qui sont utilisés globalement dans la charte sont plutôt entre 600 et 800 km d'altitude. D'accord. Donc des satellites à défilement polaire dans le sud. Donc comme la Terre tourne sur elle-même, le satellite finit par passer au-dessus de tous les points du globe, mais avec une revisite à la verticale qui est de l'ordre de la vingtaine de jours. Donc soit le satellite il est agile, comme le nouveau satellite français Pléiade qui a été mis sur orbite juste avant Noël, là, qui peut regarder devant, derrière, qui est un peu sur un cône tout autour de lui, donc il est agile, on peut le programmer sur certains secteurs, mais si on voulait regarder juste à la verticale au navire, ben, il faudrait attendre une vingtaine de jours, 26 jours pour repasser. Ça, c'est embêtant. Donc soit on a une constellation de satellites, c'est ce qui se passe avec la charte internationale, puisqu'il y a tous les pays ont mis en commun leurs moyens, donc on a toute une constellation de satellites qui peut être sollicitée, et puis il y a dans cette constellation des satellites agiles qui permettent de focaliser à un endroit bien précis. Allez, petite anecdote. On était très contents d'avoir obtenu un rendez-vous à Asnières. À Asnières se situe le centre opérationnel de gestion intermissérielle de crise du ministère français de l'Intérieur. Donc c'était en 99, après le cyclone Mitch, on avait eu l'opportunité d'aller porter la bonne parole, donc d'avoir un rendez-vous en salle opérationnelle de crise pour parler d'imagerie satellite. Et j'avais une belle image spot de la Guadeloupe, hein, une image très bleu-blanc-rouge. C'est quoi ce spot? C'est un satellite. Spot du satellite français. D'accord. Et donc, je suis très gentiment reçu dans la salle opérationnelle. Et le commandant qui était permanent ce jour-là, il est un peu goguenard en voyant mon image. Il dit « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce poumon ?» Parce que c'était l'image de l'aube, là, puis c'était un peu rouge. Et ce jour-là, j'ai compris que si on voulait travailler avec eux et leur rendre service, on ne pouvait pas leur envoyer des images. Ils n'ont pas le temps, c'est pas leur métier. Ce qu'il en faut, c'est une information, c'est presque une binaire. Hein. Quel est l'événement, quel est son impact, son importance, qu'est-ce qu'elle a fait. Et du concret, quoi. Du concret et lisible très vite. Mmh. Et éventuellement, qu'ils puissent l'emmener dans l'avion de reconnaissance quand ils arrivent sur zone pour repérer les choses. Donc il y a aussi une lisibilité. Et c'est pas simple. Et c'est pas simple. Parce qu'il faut le faire en quelques heures. Donc il faut avoir des outils, il faut avoir des experts qui permettent de contrôler le travail. Et comme on ne peut pas faire de validation avant d'envoyer le produit, il faut avoir un processus qui est assez contrôlé. Donc on a décidé, il y a un an et demi maintenant, de passer dans une démarche industrielle de qualité. Donc pour certifier ISO 9001 et toutes les procédures de production, donc, on a obtenu cette certification l'été dernier. Donc c'était... pour donner un peu de confiance en nos utilisateurs, on suit un processus bien défini pour produire l'information. Donc l'information en quelques heures... Produit certifié, donc ça a de la valeur, c'est ça? On l'espère. On a des bons retours quand même de temps en temps des services de protection civile. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée. Et chacun nourrit sa pensée. On a une question, je vous interromps. Allons-y. Pas saluer nos tweeters d'ailleurs. Salut les tweeters, bonsoir. Les tweeters devant et ceux derrière aussi. Oui, bonsoir. Une réaction à chaud, s'il vous plaît, par rapport à chez nous, en France, et par rapport au niveau international et par rapport à une expérience vécue. Il y a 4 ans, j'étais sur l'île de Rhodes, où s'est développé un incendie extrêmement important et qui a vraiment bouloté une très grande partie de l'île de Rhodes en quelques jours. Là, c'était véritablement quelque chose qui s'annonçait comme catastrophique par rapport à la sécheresse en plein mois de juillet-août. Et les autorités donc du pays, alors ce point qu'on connaît bien au jour d'aujourd'hui, dont je parle beaucoup de la Grèce, ont mis 3 jours avant de faire en sorte de déléguer, premièrement, quelques avions canadiens qu'ils avaient, ensuite appeler les Italiens, appeler ceux de chez nous de Marignane, et ensuite faire venir des hélicoptères russes pour taper sur les foyers d'incendie. Quel pouvoir vous pensez avoir, vous, en tant que scientifique ou avec vos regards et les yeux des satellites par rapport à des décisions prises extrêmement rapidement par rapport à nos hommes politiques, qu'ils soient ici en France ou sur l'étranger. Ce sont des mécanismes ou des applications qui se développent. Donc si la communauté utilisatrice n'est pas informée des possibilités du système, ils perdent des opportunités. Donc ça fait partie aussi de notre mission, quelque part, c'est de faire passer la parole, la bonne parole auprès des services qui peuvent être utilisateurs de ce type d'informations. Alors, dans ce cas-là, les choses ne se sont pas bien passées. Dans d'autres cas, par exemple, les feux du Maïdo, on a fourni tous les jours, pendant une semaine, la situation de la propagation de l'incendie sur la cité du Maïdo. Il y avait un peu une polémique entre les autorités à La Réunion et le ministère de l'Intérieur, puisque le ministère de l'Intérieur, ils avaient un peu l'impression qu'on exagérait la demande de renfort pour combattre ces feux. La deuxième jour, qui montrait que la surface brûlée avait doublé depuis la veille, est tombée en salle opérationnelle de crise autour du préfet qui avait réuni son état-major, est tombé au moment où il devait prendre la décision pour envoyer des renforts ou non. Ils ont regardé l'image, on m'a rapporté que la discussion n'avait pas duré plus de 5 minutes. La surface ayant doublé, ils ont décidé d'envoyer les renforts sur place. Donc l'aide à la décision, dans ce cas-là, a été efficace. Dans d'autres cas, si l'utilisateur autorisé n'appelle pas le système, malheureusement pour nous, parce qu'on aimerait bien, on ne peut pas être push, on est dépendant d'une organisation, la Charte internationale, qui répond à des sollicitations d'utilisateurs autorisés. Donc si un gouvernement ne fait pas appel à elle, on n'est pas amené à travailler sur le lieu d'un événement qui peut être... Ok, alors, je suis de l'Aéroclub de France, et une de mes grandes préoccupations, et c'est ce que j'évoque auprès de mes amis du CNES, c'est bien ce que je dis, mes amis du CNES, c'est par rapport au manque, au déficit d'information qu'il peut y avoir, tant auprès des politiques que de nos jeunes, si vous voulez. Moi-même, je donne des conférences sur l'histoire de la conquête spatiale, mais pour moi, il y a un déficit énorme par rapport aux mass-médias, à la communication, aux journalistes. Dans les attendus qui sont, si vous voulez, signifiés sur cette feuille que je vais rendre tout à l'heure par rapport au bien-être de ce qu'on vit ici au CNES sur les mardis de l'espace, je souhaiterais que l'année prochaine, il y ait éventuellement une approche auprès des journalistes et auprès des mass-médias pour qu'ils soient présents auprès de toutes ces réunions qui sont d'un excellent niveau et qui malheureusement restent non pas confidentielles mais par trop restreintes et avec un manque d'écho sur l'ensemble et de la jeunesse et de même de nos hommes politiques, si vous voulez, et des journalistes. Suggestion entendue. On fera tout pour améliorer ça l'année prochaine. On a une autre question. Oui, moi je voudrais savoir si tous vos appareils, ça peut nous aider à mieux pêcher la sardine. C'est ça ma question. Mais en fait, plus sérieusement, j'ai entendu là, tout à fait récemment un patron pêcheur qui parlait du prix du carburant et de la façon dont il envisageait de réduire sa consommation en planifiant mieux ses missions, etc. Et donc je me disais, est-ce que vos outils, et en particulier toutes ces prévisions par rapport à l'océan, ça peut permettre de rendre plus efficace la pêche, par exemple, plus efficace et plus respectueuse de l'environnement, etc. La réponse est oui. Il y a des spécialistes qui sont soit du milieu de la pêche, soit des milieux de la recherche en halieutique, et qui sont parfois qui se connaissent bien, qui sont capables d'associer à une description de l'état physique de l'océan, des fronts chauds, des fronts froids, d'associer à ça un comportement des espèces de poissons qui ont des habitudes de chasse plutôt en eau chaude ou en eau froide. Et donc quand on connaît, quand on est capable de placer, comme on le fait aujourd'hui, de façon assez précise, les tourbillons de l'océan, donc ces fonds qui sont qu'une importance pour la vie marine, on est capable de décrire ou de prévoir quel type d'espèce et quel niveau de maturité d'espèce on va trouver à tel et tel endroit. Conclusion, on peut économiser du carburant en allant directement sur la zone plutôt que de chercher. Conclusion, on peut protéger plus efficacement des zones de reproduction, par exemple, de façon plus efficace que ce qui peut être fait à grand trait, en considérant que l'océan est tout bleu, en prenant un grand marqueur et en disant ici on va protéger. Là, on a évidemment une variabilité du milieu qui est claire dans l'océan et dont dépend la vie marine et la vie des ressources marines. Et donc c'est tout l'enjeu des travaux qui sont faits en recherche halieutique, d'être capable de transformer leur connaissance du milieu physique qu'on leur fournit, des comportements, des ressources marines qu'ils connaissent eux, en des recommandations pour les quotas de pêche, pour aider justement à mieux à exploiter de façon durable ces ressources-là. Donc, par exemple, les pêcheurs, c'est vos clients là dans votre boîte? Alors il y a des non, parce que Mercator Océan est une société qui a but non lucratif, donc on n'a pas d'activité commerciale. Nos produits sont essentiellement la plupart du temps libres et gratuits. À partir de là, cette information, vous pouvez y accéder vous-même. Hein. N'importe qui peut y accéder. Vous avez même une application. Il y a même une appli iPhone pour aller, iPhone, iPad, pour aller jouer à deviner la température. Et vous faites quoi comme business? Alors vous faites rentrer de l'argent où? Attendez, parce que j'avais une autre question. Enfin, j'avais un autre point. Les sardines. Mais je pourrais répondre assez vite à ça. Notre activité, c'est une activité qui est soutenue par les établissements publics français que j'ai déjà cités jusqu'à maintenant. Donc, on a parlé du CNES, qui est partenaire de Mercator Océan, mais Météo France, IFREMER, CNRS, IRD et CHOV. C'est soutenu par la Commission européenne qui a une volonté également de développer une activité de surveillance des océans. Et notre métier s'arrête à la fourniture de cette information-là pour qu'ensuite il y ait des services spécialisés qui sont soit de nature commerciale, soit de nature publique, qui vont aller spécialiser pour tel type d'application. Ce que je voulais dire, c'est que pour relier à l'intervention précédente, c'est qu'il ne faut pas également négliger le temps nécessaire pour transformer en comportement opérationnel une information scientifique qu'on est capable, nous, de fournir. Parce qu'il est simple de fournir, je parle de mon métier, fournir une carte des courants au moment où il y a une grosse pollution marine, de là à ce que les équipes opérationnelles sur le terrain soient capables d'intégrer cette information-là dans toute leur chaîne de décision, même dans leurs outils opérationnels, il faut tout un processus qui est très souvent négligé. Le temps pour le faire et la formation de ces acteurs-là est très souvent négligé. Et c'est un des enjeux qu'on a, nous, au niveau scientifique, d'aller plus à la rencontre pour expliquer et prendre le temps. Et évidemment, il y a un autre enjeu de l'autre côté pour arriver à s'en rapprocher. Donc c'est vrai qu'il faut promouvoir et faire connaître, c'est clair. Mais il ne faut pas imaginer que sous prétexte qu'on a une belle prévision des courants, immédiatement, tous les opérationnels qui sont en mer vont être capables de l'utiliser. Et ce n'est pas forcément la mauvaise volonté, c'est aussi que changer des comportements opérationnels, ça n'est pas simple. Pierre, jeter des bruits dans l'eau, repérer les creuses et les bosses, il aime voir sa couleur et si c'est assez chaud, pour aller se baigner au fond d'une fosse. Et Paul est resté dans la marmite quand il a découvert le satellite, puis a été créé le certitude. Et ça lui a donné la frite pour économiser toutes ses ressources. Yann a trouvé la solution, faire la sieste, boire de l'eau de source et manger du saucisson de lion. Alors vous, Yann, vous avez un petit peu moins entendu parler, vous vous occupez du suivi de la neige sur les montagnes, entre autres. Oui. Pourquoi? Comment? Bah avec les satellites, bien sûr. Toujours pareil. Et avec les satellites, des mesures terrain et un peu de modélisation. Cartographier l'étendue de la neige est assez facile. Cartographier la quantité de neige en épaisseur est un peu plus difficile. C'est pour ça qu'on a besoin de aussi de mesures au sol et de modélisation. Et pourquoi on s'intéresse à la neige? C'est tout bêtement parce que c'est le château d'eau de beaucoup de régions. On travaille par exemple au Liban ou au Maroc, mais ça s'applique aussi à la région toulousaine. Les quantités d'eau qui tombent par pluviométrie sur la zone, bon, prenons l'exemple du Maroc, dans la vallée du Tensift, il pleut à peu près 200 mm par an, ce qui n'est pas beaucoup. Pas énorme, hein. Et la demande évaporative est à peu près de 2 mètres, donc 10 fois plus. 200 mm, c'est à peu près ce qu'il a plu aujourd'hui à Paris? Non, on n'exagère en rien. Et de ce fait, si on veut avoir une agriculture qui se soutienne, on va être capable de faire pousser une photo supplémentaire. Et cette eau arrive grâce à la neige qui va fondre qui est retenu par des barrages et qui va être après redistribué pour l'irrigation localement ou dans certains cas alimenter des nappes profondes dans lesquelles on peut pomper pendant les saisons sèches pour irriguer les cultures. Et la connaissance de cette quantité de neige est primordiale puisqu'évidemment elle va conditionner l'eau dont on pourra disposer pour irriguer. Et dans certaines années, on peut dire qu'il n'y a pas assez d'eau, donc il va falloir sacrifier des cultures. Au Maroc, ils sacrifient les cultures qui sont annuelles, hein, le blé principalement. Et ils préservent bien sûr les orangeraies et les oliveraies, qui elles, ont... c'est une catastrophe si elles meurent. Donc, c'est des données que vous fournissez au gouvernement marocain enfin, on travaille avec des agences de bassin. Locales, ou... agences de bassin. D'accord. Les gens qui gèrent l'eau, justement, qui gèrent ces barrages, qui gèrent les lâchers et les tours d'irrigation. Au Liban, c'est un peu pareil. Et dans la région toulousaine, évidemment, les eaux qui sont accumulées dans les Pyrénées sont utilisées pour satisfaire le besoin en eau des cultures. Il faut savoir qu'à Toulouse, il peut à peu près 600 mm par an. Et c'est la même quantité, c'est la même quantité d'eau qui tombe à Niamey, au Niger, dans un milieu assez différent. Et on voit comment la répartition des pluies sur une année influe, et également sur la manière dont ça se redistribue ensuite. Il n'y a pas que la neige, il y a les sauterelles qui contre-attaquent aussi, à ce qui paraît. Ça, c'est une autre un peu anecdote. C'est... Il y a fort longtemps quand on... Paraît. Vous n'avez pas entendu parler bon. La lutte anti-acridienne, oui, c'est quand j'étais beaucoup plus jeune et que je travaillais pas mal sur le terrain en Afrique, on s'intéressait donc toujours pareil à la gestion de la ressource et comment optimiser les cultures en fonction des disponibilités en eau. On avait été approché par les gens de la lutte anti-acridienne. Donc vous savez, les sauterelles, comme on connaît les sauterelles, hein, c'est des petites bestioles. Elles se déplacent en gros nuages, elles s'abattent quelque part. C'est des nuages énormes. Ah, c'est énorme. Elles mangent à peu près tout ce qu'il y a. Puis elles vont un peu plus loin, puis un gros jour elles arrêtent, elles forniquent, elles pondent des œufs. Et quelques temps après, ben, ces œufs éclosent à nouveau et le cycle repart. Alors, pour essayer de réduire cette catastrophe, on utilise abondamment les pesticides, mais évidemment, quand un nuage se balade, il va vers des cultures, vers des zones habitées, et il y a énormément de déperditions de pesticides. Et on les retrouve là dans les assiettes. Entre autres. Et dans le vent aussi, ce qui est déplorant. Et. Pour éviter de, enfin pour mieux traiter, le mieux c'est de traiter au moment où elles sortent de terre, juste avant de partir. Et pour ça, le phénomène se passe à un moment très précis, qui est celui où on a une certaine température et une certaine humidité superficielle. La température, on peut la suivre assez facilement, l'humidité c'est un peu plus délicat. Donc maintenant, avec les nouvelles mesures qu'on a, on est capable de cartographier l'humidité. Donc les gens qui suivent les acridiens peuvent déterminer le moment d'éclosion, enfin de sortie de terre, disons, et traiter très localement le champ où elles sont toutes, sortir, si peu, et traiter donc localement, réduire les déperditions de pesticides et surtout être plus efficace. On les tue plus localement et on évite justement toutes ces déperditions. On évite qu'elles partent et devoir les traiter alors qu'elles sont en vol. C'est incroyable. Mais encore. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Comme anecdote ? Comme anecdote, comme mesure, comme... Pardon ? Comme application ? Les applications, bon, on a parlé de la détection des incendies, hein, analyse des risques d'incendie. Et là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit avant, et par vous aussi, monsieur, c'est qu'on a un problème majeur, on est entre scientifiques, on fait des belles choses, on montre ça sur un coin d'ordinateur, et on va montrer ça dans une conférence, tout le monde applaudit. Mais quand on va montrer à un utilisateur, et souvent, soit il ne comprend rien, soit il dit « mais votre truc, ça ne m'apporte rien par rapport à ce que je sais faire ». Et c'est pareil, il y a fort longtemps, on avait mis au point une chaîne pour analyser les risques d'incendie. Et on a fait aussi sur les gelées précoces de printemps, avec des données satellitaires. Ça marche très bien. Seulement quand on est allé voir les pompiers de l'Hérault, on leur a montré ça, ils ont dit « votre truc, c'est bien, mais vous savez, moi j'ai des gâteurs ». Il localise les feux dans la minute qui suit avec une très grande précision par triangulation. Votre produit, il faut au moins 2 heures avant que je l'aie. C'est pas très précis. Votre résolution est kilométrique. Moi, ça m'intéresse pas. Et on s'aperçoit qu'en fait, il faut énormément améliorer les produits et les rendre, c'est ce que disait Paul, hein, il faut les rendre utilisables par les gens dont c'est pas le métier, qui ont d'autres habitudes, à la fois de travail et de compréhension. Hein, ils voient, ouais, c'est... un poumon, mais moi je ne travaille pas là-dedans. Mais c'est de la tomographie, c'est simple, et massive en plus. Et donc nous, la démarche qu'on a appris ces dernières années, c'est de travailler, par exemple, on travaille beaucoup avec les agriculteurs du Sud-Ouest, et là on travaille vraiment avec eux, c'est-à-dire qu'on ne vient pas les voir en disant, ben voilà, le satellite vous donne ses produits, regardez ce que vous pouvez en faire. On va travailler avec eux, et on essaie de comprendre ce dont ils ont besoin, et à partir de là, de voir comment on pourrait arriver à trouver le produit qui pourrait les satisfaire. Et après, on interagit avec eux de manière constante jusqu'à ce qu'on arrive à faire quelque chose qui soit ce dont ils ont besoin dans le format qui leur est utile. Vous apprenez à discuter, en fait, à parler. On apprend à discuter. À se comprendre. À se comprendre, oui. Je vais vous donner une anecdote qui va faire rire mon voisin. Quand j'ai commencé, j'étais tout jeune, je suis allé à un colloque et il y a un type qui montrait, c'était de la géologie, il montrait comment les premières images satellites, on pouvait suivre les failles. Il y a quelqu'un dans la salle qui dit, mais c'est bizarre, vos failles convergent toutes vers le même point, ça va être un endroit sismiquement très, très délicat. Puis il y a quelqu'un qui est dans la salle qui a dit, non, ce que vous voyez là, c'est le réseau ferré. Paul, racontez-nous, vous, les scolytes, là, c'est rigolo comme histoire, ça, ces scolytes. Mais les petits scolytes, c'est des petites bêtes qui embêtent beaucoup les forestiers, puisque ça... Vous avez parlé beaucoup de mer, mais pas énormément non plus de terre, ce que vous nous aviez dit au début. Alors, les forestiers, des fois, on a des utilisateurs qui sont demandeurs, quand même, hein, mais effectivement, l'éducation, la communication, la compréhension des besoins prend du temps. Alors, avant de parler des scolytes, j'ai parlé de nos relations avec les forestiers alsaciens, puisque ça a commencé par là. En 1999, il y a eu une tempête, Lothar, qui est passée sur la France et qui a fait quelques dégâts. À l'époque, nous n'avions pas de service de cartographie rapide de crise, on n'avait pas de service H24 pour répondre à des appels. Et donc, le 26 décembre, souvent ça arrive le 26 décembre, la catastrophe. Tsunami en océan Indien, séisme en Iran et tempête Lothar. Donc le 26 décembre, jour férié en Alsace, le service était fermé, mais j'avais eu le malheur, ou le bonheur, je ne sais pas, de téléporter mon numéro de bureau à la maison. Et le 27 au matin, j'avais deux appels de deux organismes gérant la forêt différents, l'ONF d'une part, la DRAF, la Délégation Régionale d'Agriculture et de la Forêt, qui, catastrophée, nous disait « on a la moitié de la forêt alsacienne qui est par terre ». Ça représente un tiers du territoire alsacien, quand même. La forêt, c'est un... C'est pas rien, oui. Au niveau de surface, c'est pas mal. Donc, bon, c'est une catastrophe. On ne sait pas par quel bout attraper le problème. Pour nous, c'est impossible d'aller faire l'inventaire comme ça. Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider? Donc, on a commencé à se pencher sur ce problème. Après, le gérant ne travaillait pas, c'est férié. Voilà, donc, il a fallu d'abord comprendre la question, trouver les moyens d'y répondre, avec quelles données, quels satellites, quelles agences on mobilise, on fait des tests, et puis bon, on est arrivé quand même à faire une cartographie. Je passe les déboires administratifs de toute cette procédure, on peut en reparler plus tard si ça vous intéresse, mais on est arrivé à faire une cartographie des dégâts, donc les forestiers, ça les a bien intéressés, et d'autres personnes aussi, la protection civile aussi, parce qu'après les dégâts de tempête dans une forêt, il y a des chablis, et puis les chablis, ça sèche, et puis ça fait du combustible pour des feux, donc connaître les chablis, c'était intéressant pour faire une gestion intelligente. Et les chablis, autour des chablis, ben, se développent des parasites, dont les scolytes. Alors là, c'était pas Lothar, mais c'était Klaus, la tempête Klaus qui avait affecté les Landes. Donc il y a eu beaucoup de dommages dans la forêt, et des ravageurs. Les tempêtes sont toutes allemandes, ou... Ben, elles viennent de l'ouest, alors, je ne sais pas. Bref, c'est bizarre, Lothar, Klaus. Donc ces bébêtes, ça se développe autour des chablis, et se propagent. C'est des petits bêtes, c'est des petits scolytes. C'est grand. Non, c'est des insectes ravageurs que l'on voit sous des écorces. Les forestiers, mais ça c'était au niveau ministère de l'Agriculture, nous ont sollicité pour voir si, une étude de faisabilité en quelque sorte, pour voir si l'imagerie pouvait permettre de cartographier les scolytes et le faire assez tôt, parce que ce qui est important, c'est de mobiliser le bois avant qu'il soit invendable, et puis éviter la propagation. Donc d'essayer de cartographier le début d'attaque de scolytes qui provoque un rougissement des épines puis une défoliation, mais plus tôt on le fait, plus c'est quoi. Donc on a essayé de développer des méthodes, on a testé, validé avec les forestiers sur le terrain, et on est arrivé à leur produire une cartographie qui me semble pouvoir être, leur être utile. Mais comment les scolytes, vous les voyez avec le satellite? Non, le scolyte a un effet de rougissement des épines. D'accord. Donc les épines, on commence par rougir, et puis elles finissent par tomber, et puis l'arbre finit par mourir. Donc on essaye de détecter ce seuil le plus tôt possible, donc le début de rougissement des épines, qu'il faut essayer de ne pas confondre avec autre chose. Hein. Ce n'est pas forcément si simple que cela. Mais on a mis en place des méthodes qui nous permettent de faire une cartographie, de la fournir en forestier. Qui permet d'endiguer ce phénomène. Voilà, alors pour les petites bêtes, il n'y a pas que des scolytes, on travaille aussi sur la bilharziose. Sur là ? La bilharziose. C'est quoi ? La bilharziose, une maladie parasitaire qui fait beaucoup de dégâts, sans doute autant. Enfin, après la malaria, ça doit être une des maladies les plus dévastatrices. Hein. Donc la bilharziose, le vecteur du parasite, c'est un petit escargot. C'est une maladie qui est répandue par. En Chine, par exemple, on travaille en Chine autour du lac Poyang, la plus grosse réserve d'eau douce de Chine, on a du Yangtze. Donc ces petits escargots, ben, leur biotope, ils s'installent là où ils ont des conditions favorables. Donc c'est des problèmes d'humidité, c'est des problèmes de végétation humide, et puis à côté de cette humidité et de végétation humide, ben, il y a une activité agricole, des pâturages et des bœufs, et puis il y a une activité de pêche. Et donc, si on arrive à faire une cartographie du lieu de l'habitat de ces petites bestioles, bien on arrive à cartographier où il y a un risque de bilharziose, et donc la fournir aux autorités qui peuvent après mettre des mesures en place pour essayer d'éradiquer la propagation de la maladie. Donc on fait un peu de problématiques, enfin on touche à des problématiques de santé en utilisant des images satellites aussi. On travaille aussi contre d'autres épidémies, hein, que ce genre de choses, la dengue ou de toutes choses aussi. Est-ce que vous avez travaillé sur ces choses-là? Alors, les équipes ont travaillé sur la dengue, et là, nous, nous travaillons sur le problème de malaria aussi. Donc, on suit les populations de moustiques. C'est plutôt de trouver les lieux où les moustiques peuvent se reproduire. Voilà. Et d'arriver à des zonations, avec des zones plus à risque que d'autres. Avec quelle précision, quelle résolution on a quand on observe avec un satellite? Il y a toute une gamme, et c'est l'intérêt du satellite. Alors, il y a des résolutions spatiales, donc entre 50 cm et plusieurs kilomètres. Hein. Il y a des résolutions temporelles, entre le quart d'heure de revisite jusqu'à une vingtaine de jours. Au moins s'il y a des nuages au moment où on passe le satellite. Donc il y a plusieurs types de résolution. Hein. Tout dépend en fait du phénomène qu'on veut observer. Voilà, et puis après la résolution, il y a aussi un effet de contraste. Là. Tout le monde a vu le mille marceaux, hein. Des gants blancs sur un fond noir, ça se voit bien, un mille marceaux enlève ses gants, on ne voit plus rien. Donc on essaie, dans certaines bandes de longueur d'onde quand même, d'essayer de voir des trucs qu'on ne voit pas avec l'œil. Parmi vos activités, vous avez le suivi de ce que font très bien les Américains depuis les époques de Landsat sur, par exemple, le cours du blé ou du riz avec la pousse et les prévisions de récolte. Yann, nous ne faisons pas ce type d'activité, donc je passe la main. Oui, mais bien sûr, il y a des fonds assez importants qui sont investis dans le trafic des céréales. Et il y a une demande constante pour mieux anticiper les productions à différentes régions du globe. Et c'est une quantité hautement stratégique. Donc, absolument. C'est pas quelque chose qui circule, mais ça fait partie des activités, ça c'est clair. Un petit peu l'esprit de l'escalier. La question est pour Pierre, si vous me permettez. Concernant ces profileurs argot, donc des balises qui descend à 1000 mètres, 2000, remonte, balance la purée, si j'ose dire, vers Argos. Ce qui m'interpelle, c'est que est-ce que vous n'en perdez pas en route du genre chaluté, etc. Si, il y a des pertes. Il y en a qui, au début, il y en avait plus que maintenant, des pertes. Donc il y a effectivement des problèmes de chalut, mais pas trop quand même, parce que c'est un objet qui fait un mètre de haut, c'est un cylindre en fait. J'en ai pas avec moi, mais ça se reconnaît dans un filet. Mais par contre, il y en a qui peuvent s'échouer, parce qu'évidemment, une fois qu'on les a lancés, les courants, c'est plus grand que ça, hein. Ça coûte plus cher aussi. Et il y en avait également où quand on le règle pour une profondeur de 1000 mètres, qui arrive sur des hauts fonds, qui creusent pour essayer qui s'épuisent à force de la pouvoir descendre, donc on en perdait. Mais globalement, il y a quand même une bonne performance de l'ensemble de ce système. Donc comme ça dure 3 ans, il y a un renouvellement de 1000 par an. Enfin, c'est ça le but, d'en maintenir 3000. Et c'est un système qui est assez simple également. Hein. C'est une pompe on change le volume et donc on compresse, ça descend. La techno est assez simple. Parce que j'ai la parole en termes de précision, je voulais parler de l'orbitographie des satellites parce que c'est une des choses qui m'a plus impressionné quand j'ai démarré. Toujours pour l'altimétrie, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'altimètre était un radar qui envoyait une onde et qui mesurait le temps et qui, en fonction de ça, on décrivait la topographie. Encore faut-il placer le satellite à la bonne précision sur son orbite. Et c'est un truc qui peut, à l'époque, ça faisait 2-3 tonnes, c'est à 1300 km, et il y a une onde qui a donc. Et à la fin, la précision est de 2 cm. Ça veut dire qu'il y a donc des personnes qui sont capables de positionner un objet volant à cette altitude avec ce poids de plusieurs tonnes, avec cette précision de centimètres, et ça c'est un défi. Ah, impressionnant. Je trouve que ça m'a toujours un peu impressionné. Et j'aime bien le dire parce qu'en plus, je sais que c'est dans des gens du CNES qui ont travaillé là-dessus, donc ça me permet d'en dire du bien, mais je mesure en fait cette performance. Après, au résultat, parce que finalement, une fois qu'on a ça, on a une précision de 2-3 cm, et donc nous-mêmes, on est capable de travailler avec des courants qui vont être mesurés à 15 cm seconde, avec un taux de confiance qui nous permet de travailler. Et au départ de ça, on envoie un objet comme ça et on positionne au centimètre près. On positionne comment? Avec un GPS, avec un système qui s'appelle Doris, avec tous les systèmes possibles de pointeurs, avec des lasers, avec du GPS, etc. Et puis avec des balises au sol, avec des communications. Il y a tout un réseau qui permet de positionner ce truc-là. Et c'est. Voilà, je voulais le signaler parce que c'est bien beau d'expliquer qu'on a fait de garder courant, mais au départ, il y a tout un. C'est très important. Il y a tout un métier d'ingénieur, en plus d'un métier de chercheur, pour avoir la techno qui fonctionne à ces stations-là. Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire un petit inventaire, je ne sais pas, ou alors nous dire lequel est votre préféré, des satellites que vous utilisez justement? On a entendu quelques noms, Osmos, Spot, on a parlé des Pléiades, etc. Est-ce qu'on peut un petit peu préciser Moi, c'est Jason. Vous, c'est Jason. C'est quoi Jason alors? Topex Poséidon, c'est un satellite qui a été lancé en 92. Son successeur s'appelait Jason 1, ensuite Jason 2. Et c'est un satellite qui est très fidèle à sa mission, qui mesure son altimètre, il mesure la topographie, et quand il a fini sa mission, il y a un autre qui arrive. Et je l'aime bien parce qu'il est très simple de concept, il est essentiel quand on le perd, on est en plein désarroi. Et il est en plein dans la transition entre une démonstration scientifique et technique qui a bien réussi et la nécessité de passer à une filière opérationnelle comme l'ont fait les météos dans le passé avec des satellites qui mesurent justement la température de surface de l'eau parce que c'est important pour la météo et qui ont organisé des filières opérationnelles. Et le CNES et la NASA, parce que c'est une collaboration qui est franco-européenne, qui a été étendue à des agences européennes également, sont en train d'essayer de... L'ESA. Alors, vous avez dit la NASA. En l'occurrence, il s'agit de EUMETSAT, qui est l'organisation météo d'exploitation des satellites météo, qui a une double mission aujourd'hui, météo et océan. D'accord. Voilà. Et il y a l'équivalent, qui est la NOAA, du côté américain. D'accord. Et voilà, j'aime bien celui-là, parce qu'il a tout dans son... Il a une très belle techno, il est super utile, et il est en plein dans le sujet qui est passé d'une science de recherche à une science qui s'installe pour toujours. Un petit faible pour Jason. Il est gros, il est... Il est de plus en plus petit. Il est de plus en plus petit. La techno est de plus en plus performante. C'est quoi petit? Je sais pas, vous l'idée comment maintenant. Il était à 2 tonnes 5 pour maintenant il doit être à 500. 2 tonnes 5, c'est Topex Poséidon, c'est le grand-père. Et Jason 1 et Jason 2 sont à 500. Et il y a des micro-satellites qui pèsent encore moins. Paul. Vous aussi, c'est Jason. Mon chouchou, c'est celui qu'on attend là, désespérément. Ah. Quand on attend les données, là, c'est celui qui vient d'être mis en orbite. On a travaillé sur une simulation, on a travaillé sur des premières données de recettes en vol, donc on attend impatiemment les données réelles, le flux de données réelles. Donc, et puis en plus, certains ingénieurs au CNES ont choisi le Grand Hamster d'Alsace comme mascotte du satellite, parce qu'on a un projet sur le Grand Hamster d'Alsace. On a commencé à travailler. Oui. C'est un animal qui est autant protégé que l'ours des Pyrénées ou que. Ah oui. Donc la France est quand même alignée, menace de l'amende à Bruxelles de, je crois, 7 millions d'euros et une astreinte journalière de 700 000 euros par jour. Ce sera le premier grand hamster dans l'espace. Voilà, donc pour étudier l'habitat de ce grand hamster, on a demande de l'Andrea d'Alsace, hein, donc un service de l'État qui s'occupe de ces choses-là, il utilise les images satellites pour. À la sortie du printemps, sortie de l'hiver, là, quand la bestiole sort de son trou, il faut qu'elle puisse trouver à manger, il faut qu'elle soit protégée par quelque chose pour que le renard ou la buse ne vienne pas la bouffer et qu'elle puisse trouver hamster pour refaire des petits hamsters. Donc la colonie a plus que 400, je sais pas, un équilibre fragile. Là, donc on étudie autour des terriers cette bestiole l'environnement de survie quand elle sort de son hivernage, et on regarde, et c'est là que c'est plus intéressant que la bestiole elle-même, on regarde la continuité de ce milieu favorable au sens du Grenelle de l'environnement, les trames vertes, hein, de continuité, pour que l'espace ne soit pas complètement morcelé, soit par l'urbanisation, soit par l'agriculture, soit par les grandes infrastructures, de trouver les moyens d'avoir certaines continuités pour que la biodiversité soit préservé. Avec ce satellite-là, ce nouveau satellite, vous allez observer quoi concrètement? Vous allez prendre des photos de hamster? Bien, le hamster, son rayon d'action, on se trouve le moustique aussi, même le hamster, son rayon d'action, il est faible. Donc il faut regarder dans 600 mètres autour de son terrier, c'est là qu'il fait sa vie. Quoi. Donc les cultures favorables, ça peut être la luzerne, ça peut être les blés d'hiver, mais s'il n'y a que du maïs, ça ne va pas. Détecter même les petites parcelles pour lesquelles la puissance publique peut donner des subventions aux agriculteurs pour préserver la bestiole, donc toutes des mesures agro-environnementales. Donc ces mesures agro-environnementales, pour les implanter, il faut connaître le territoire, il faut connaître la biologie de la bestiole aussi, et puis il faut les suivre, éventuellement les contrôler. Mais là, l'espace vous apporte quelles informations? Eh bien, on peut cartographier la luzerne, ou le blé d'hiver, et de voir comment, d'une année à l'autre, l'environnement de la bestiole, parce que les cultures sont en rotation, donc est-ce qu'il y a suffisamment de continuité autour de chaque bestiole pour qu'elle puisse vivre? Et s'il n'y en a pas, il faut prendre des décisions, refaire des fermes à des nurseries hamsters pour en réimplanter, ou mettre des grillages électriques autour pour que le renard vienne pas au moment où il sort. On peut inventer un tas de trucs. Là. Avec toujours le travail sur le terrain, de toute façon. De toute façon, mais connaître l'environnement de la bestiole localement, mais peut-être plus globalement, c'est intéressant. Un satellite pour un hamster. C'est voilà. Joli. Il s'appelle comment ce satellite? Pléiade. Pléiade, d'accord. C'est vrai que je ne voulais pas annoncer, il y a un lancement ce soir de deux satellites de télécommunication à 23h57 précise que vous pourrez suivre en live sur le site web du CNES. Donc en rentrant à la maison. Vous vous connectez sur le site et puis vous pourrez assister au lancement de ces deux satellites. Yann et vous, alors vous, je suppose que c'est Smos. Mais si je disais pas Smos, vous seriez très déçu. Oui, non, ouais, évidemment, c'est celui sur lequel j'ai voté des mots. Ce que je veux dire, c'est quand même fondamentalement un satellite, ce qu'il va mesurer, c'est des photons. Hein, il regarde ce qui arrive. Et tout ce qui vous a été présenté là comme application, c'est quand même. Ça demande pas mal de matière grise derrière pour arriver à partir de ce qu'on peut appeler de photos, hein, déterminer si on voit des hamsters joviaux ou des choses de genre là. Donc il y a quand même derrière pas mal de choses. Point de vue satellite, moi ceux qui m'ont le plus impressionné, c'est pas tellement justement les Pléiades et autres spots, parce que depuis le début des satellites, on a commencé par envoyer des appareils photo pour faire des photographies, puis petit à petit on a numérisé. Enfin, c'est une évolution technique qui se fait presque régulièrement. Il y a d'autres capteurs, Jason s'en est un, il y a eu Grace, il y a eu Smos, où il y a une rupture, où vraiment on va s'attaquer au problème sous un angle complètement différent, on va essayer de faire une nouvelle mesure avec une nouvelle technique et aller vers un nouveau domaine. Et moi je préfère ces missions qui se lancent un peu dans l'inconnu. Il y a eu Jason, il y a eu Grace, là, un appareil qui mesure le champ de gravité, donc, j'imagine. Mais avec ça, on peut déduire pas mal de choses sur notre planète. Et pour moi, c'est là que sont les choses les plus excitantes, je dirais. Dans la fabrication, on a même la technique, quoi. Il n'y a pas que la technique, il y a l'utilisation. D'ailleurs, retrouver les concepts, c'est un peu ce que font les radioastronomes dans certains cas. Hein. Utiliser des choses qui paraissent toutes bêtes ou reprendre des concepts. Analyser mathématiquement des choses pour arriver à en déduire des nouvelles méthodes de mesure, je trouve que c'est assez excitant et c'est une des joies du métier. Toutes les données que vous produisez, toutes les mesures que vous faites, etc., vous trouvez qu'elles sont bien utilisées aujourd'hui, à bon escient, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les données ne sont pas utilisées autant qu'elles le pourraient. Je pense qu'il y a un gros déficit au niveau utilisation des données. Alors, ça commence à se estomper, là, Pierre a parlé de Mercator. C'est des approches où on commence à fournir les données, on pourrait presque dire, avec leur environnement qui permettent d'être utilisées. Et c'est un pas en avant, mais on s'aperçoit quand même que par rapport au nombre de terabits qui descendent du satellite chaque jour, voir une image sur TF1 là, pour la météo, ça fait un peu maigre par rapport aux investissements. Je pense qu'il y a. On sous-utilise très largement les capacités des satellites. Et il serait intéressant peut-être un peu plus de moyens sur l'analyse et l'utilisation de ces données et leur utilisation dans la vie de tous les jours. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose, Paul, Pierre? Bon, tout à fait dans ce sens. Et quant à la fiabilité de ces mesures, parce que vous faites des modèles, etc., des mesures sur le terrain, est-ce que vous retrouvez les mêmes choses que vous mesurez directement sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la fiabilité de... Une mesure, si l'instrument de mesure est correctement calibré, la mesure, c'est la mesure. Après, ce qu'on fait de cette mesure, l'interprétation de cette mesure, c'est autre chose. Mais la fiabilité de la mesure, les ingénieurs qui fabriquent les capteurs qui les lancent et les mettent en orbite font bien leur travail et donc font en sorte que la mesure physique elle-même soit de la meilleure qualité possible. Et alors vous dites que c'est sous-utilisé, mais est-ce que quelque part on déploie pas non plus trop de moyens pour observer ces choses-là, pour avoir toutes ces observations de l'espace, comparativement aux moyens qu'on pourrait sur place pour des observations directes, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Impossible. C'est impossible. Complètement impossible. C'est vrai que les océans, les calottes polaires, c'est plus... Même sur les terres émergées. Peut-être que les surfaces sont suffisamment grandes. Si on fait la comparaison, mais vraiment absolue, sur une opération bien définie, en comparant les ressources satellites et la cartographie aérienne, par exemple, on a un rapport de 10 en faveur du satellite. Et si on regarde ceci par rapport aux personnes qu'il faut envoyer sur le terrain pour obtenir la même information, on va être aussi dans un rapport de 6 heures. Alors après, évidemment, si on veut regarder... petit interpost, ça vaut peut-être pas le coup de prendre l'image satellite, mais dès qu'on veut regarder à des fréquences régulières et suivre des phénomènes sur des grandes surfaces, il n'y a pas d'autre moyen. C'est absolument nécessaire. Et si on veut le faire à l'échelle planétaire, les océans, c'est... on ne peut pas imaginer notre société. Et après, vous voulez ajouter quelque chose? Les données de sol, bon, elles sont indispensables, on les utilise de toute manière, avec les autres données. Mais je vais vous donner une autre anecdote, hein. Deux anecdotes d'ailleurs. Les premières cartographies de la pluviométrie, on s'est aperçu qu'elles n'étaient pas continues au niveau des frontières. Parce que chaque pays avait ses normes et ses habitudes, donc des isolettes, il y avait des sauts au niveau des frontières quand on était ensemble. Et une autre anecdote, c'est quelqu'un à l'Académie des sciences de Suède qui s'est fait virer. Parce que son exposé lors d'une grande séance a été de montrer la corrélation entre les courbes que font les météos, vous savez, pour montrer les fronts, etc., était directement relié à la longueur du bras du dessinateur. Le rayon de courbure. C'est logique, hein. Il faisait passer sa courbe par les points, et c'est ce qu'on dirait qu'il s'est réveillé à l'époque, il n'avait pas de rayon de courbure. Donc ça montre que c'est bien le terrain, mais ça ne fait pas tout. Et on a besoin d'avoir des données uniformes sur l'ensemble du globe. Donc le satellite, pour ça, est impeccable, puisqu'il s'affranchit des réseaux de mesure, des protocoles de mesure et des incertitudes des réseaux de mesure. Il permet de faire sur des longues périodes de temps, à terme. Et donc, il permet cette couverture spatio-temporelle assez homogène qu'on n'a pas avec les données terrain, qui, elles, par contre, ont d'autres avantages. Mais si vous voulez aller sur le désert de Tatarakan pour faire des mesures pour nous, moi, je veux bien. Hein, c'est... Non, il ne faut pas plaisanter avec ça. La Terre, elle est sous-observée. C'est critique. Il est évident qu'il faut avoir des observations de terrain. On a dépassé le clivage entre les deux, donc c'est évident que c'est complémentaire, et toutes les disciplines scientifiques l'ont compris, et c'est évident. Et l'observation satellite, elle joue un rôle entier, mais ça reste un système qui est extrêmement fragile. On s'en rend compte, on n'est pas tous dans les disciplines, on n'est pas installé dans les... on n'est pas du tout confortable. Et je vais donner juste un exemple, il y a un satellite de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Envisat, qui est un grand satellite d'observation de la Terre. Il est grand par sa taille, il est grand parce qu'il y a pas mal de capteurs qui intéressent tout le monde aussi. Quoi. Il y a on a parlé d'altimétrie, mesure du vent, mesure de la température, mesure de plein d'autres choses qui s'intéressent à l'atmosphère, etc. Il vient de s'arrêter. Il a bien le droit, quoi. Il avait fini sa mission. Mais on n'avait pas terminé avec lui, et surtout, la suite n'est pas assurée. Donc, qu'est-ce qui se passe? En pratique, sur une activité comme la mienne, je suis certain que on peut raconter les mêmes choses sur l'autre discipline. C'est un satellite qui avait une caractéristique, c'est qu'il était complémentaire du JASON dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que JASON, il passe assez souvent, c'était ce qu'expliquait Paul sur les orbites répétitives, il passe assez souvent, mais il va laisser pas mal de trous entre la pointe spatiale. Et en Envisat, il avait le mérite de faire exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il était assez répétitif en spatial, et par contre, il passait moins souvent. Il s'en va. Il nous reste JASON. On perd une précision, nous, dans la description des tourbillons, c'est-à-dire que les tourbillons de 100 km que je voulais décrire aujourd'hui, on a beaucoup moins de points de mesure. Alors on va trouver des palliatifs, on a des bouées, comme on l'a dit, on a d'autres satellites, on va aller chercher, on va dévoyer des satellites qui étaient faits pour l'observation de la glace, et on va essayer de leur faire dire quelque chose sur l'océan, etc. etc. On a des satellites en température, les satellites, mais on est extrêmement fragile par rapport à ça. Et donc l'effort d'observation, il faut multiplier encore et encore, quoi. Et il faut travailler aux interfaces entre l'observation de terrain, le spatial, il faut travailler sur les filières d'usage, d'application de ça, sur les filières de formation pour que les gens apprennent à l'utiliser. Il y a tout à faire. Il ne faut pas dire que l'observation de la Terre, on a fait le tour. Hein. Voilà, on est tout seul sur cette planète. Si vous ne connaissez pas la température de l'eau dans le Pacifique, c'est une erreur de votre part, parce que vous êtes dans ce machin-là et vous devez tout savoir. Il faut connaître la salinité, il faut tout savoir, et là, il faut l'observer en permanence. Donc on est loin d'être arrivé. Hein. On n'est pas installé dans l'observation de la Terre dans quelque chose de plaisant. Enfin, de plaisant, oui, parce qu'on aime ce qu'on fait. Et de fini. Mais c'est pas. Nous ne sommes pas des parvenus. Allez. Je voulais vous poser une question concernant le changement climatique. Est-ce que les satellites permettent de proposer des solutions à ce changement, et quelles sont pour chacun d'entre vous peut-être les observations majeures que vous avez pu faire sur le changement climatique? La réponse est oui, évidemment. La vertu du satellite, le défaut du satellite, c'est qu'il est assez récent, donc on a évidemment peu de recul. Donc, quand on parle d'océanographie, on a 15-20 ans, donc on n'est pas capable sur cette tendance-là d'avoir un discours à l'échelle climatique qui est convaincant. Donc on n'a pas du tout la prétention. Par contre, on a des outils qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un diagnostic de plus en plus précis sur la situation actuelle, avec quelques années, et donc de donner des conditions initiales à ceux qui vont faire des projections climatiques et travailler sur l'appréciation des évolutions. Donc on a maintenant des acteurs qui sont de plus en plus capable de fournir une description de l'état actuel dans toutes ses dimensions, dans toutes les variables, dans la profondeur, etc. Au niveau océanique, on mesure la variation du niveau de la mer, on voit des tendances qui sont mesurées de façon très fine. On sait que le niveau de la mer augmente de 3,2 mm par an, c'est mesuré, c'est regardé, ça c'est quelque chose qui est qui éclaire sur les années qu'on connaît aujourd'hui. On peut mesurer le contenu thermique de l'océan, on peut mesurer la couverture des calottes glaciaires et observer s'il y a des variations entre les saisons et comment une année sur l'autre ça se récupère ou pas. Oui, évidemment que c'était un rôle important. Il permet de mesurer en fait les variables fondamentales, les variables essentielles du climat, d'en donner une situation actuelle avec une précision et une fiabilité qui est sans précédent. Et à partir de là, les climatologues font leur métier pour travailler sur les scénarios de projection à l'échelle d'une centaine d'années, par exemple. Ce que personnellement, moi, je ne fais pas. Je crois qu'en Alsace, il y avait des dispositifs qui étaient mis en place pour travailler sur les espèces d'arbres capables de répondre au changement climatique, non, c'est ça. On essaye là aussi de travailler avec les forestiers pour essayer d'imaginer avec eux des scénarios. Hein, alors le problème du forestier, c'est qu'il plante pour deux générations après. Donc il faut qu'il prenne en compte aussi bien pour la structure, les essences des peuplements, de modèles de changement climatique pour adapter. Alors, comment est-ce qu'on peut les aider? C'est déjà en faisant des constats. Hein, simuler la variation dans le temps par la variation dans l'espace. Ça peut être un moyen de en cartographiant les essences et en essayant de suivre la dynamique de ces essences. Donc on est au début, on n'a pas beaucoup de recul, mais on essaie de mettre en place des outils pour les aider à faire ça. Parce qu'on est déjà capable de différencier les essences d'arbres à partir des satellites. Voilà, on essaye de progresser dans ce domaine. C'est pas facile, mais on essaie. Donc actuellement, on a un projet très particulier, un projet interreg, c'est un transnational pour plusieurs régions, sur le châtaignier en Alsace. Châtaignier, c'est une espèce intéressante qui intéresse beaucoup aussi nos voisins allemands. Hein. Donc ça, les gens se posaient la question, est-ce que c'est une essence intéressante pour le futur ou pas? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Donc avant de parler de filière pour le châtaignier, c'est d'en faire la cartographie. Et si on peut voir comment il a évolué dans le temps, comment il a évolué dans le temps, ça, c'est un plus aussi. Donc voilà, on a essayé, les résultats ne sont pas trop mauvais, hein, mais c'est pas facile, parce qu'en plein mois de juillet, au mois d'août, quand toute la forêt est verte, c'est difficile. Mais par contre, au printemps, quand il fleurit, le châtaignier, il est tout blanc. Donc il faut absolument en suivre. On voit bien. Voilà, on le voit bien, puis au mois de juillet, on a quand même des informations complémentaires. Donc il faut. C'est là aussi que la résolution temporelle vient complémenter la résolution spatiale. Et nous, notre rêve, ce serait d'avoir, c'est dans les tiroirs de certains ingénieurs en France, de projet e-course, là. C'est un appel du pied. Non, mais c'est avoir, devoir pulser la nature en pouvant l'observer à des fréquences très importantes, c'est une mine incroyable. C'est ce que l'on voit, c'est ce qu'on regarde son jardin ou sa forêt, on le voit. Et si on peut l'observer. Mais bon, il faut des satellites qui ont des revisites importantes et une distribution des produits qui ne soit pas prohibitif. Parce qu'une image spot ou payable coûte un peu, même beaucoup d'argent. Donc si on veut en traiter au moment du débourrement de la forêt, donc pendant un mois et demi, tous les jours, une image, ça commence à représenter déjà des gros volumes de données et aussi un certain budget. Mais pour la science, c'est extraordinaire. On imagine même regarder une ville, de voir les parkings qui se remplissent ou qui se vident au rythme de l'activité humaine, les fumées qui changent de sens, la végétation qui explose et puis la sénescence de tout ça. Si on pouvait faire ça partout, mais alors ce serait magnifique, avec tous les modèles et les processus de traitement d'image qui permettraient de suivre cette dynamique. Hein. Alors je reviens à nos catastrophes. Nos catastrophes, là, c'est bien une détection de changement qui nous donne ce qui s'est passé sur un territoire. Alors des changements, il y a des changements très globaux à un rythme lent qui peuvent être associés au changement climatique. Et puis il y a des changements rupturels qui peuvent être des effets induits à un changement climatique, hein, une grosse tempête. Est-ce qu'il y en aura plus et plus forte aussi? Question. Je suis trop bavard. Non, merci. Pierre-Paul, c'est difficile. Bon, j'étais perturbé parce qu'on a une twistion. La première twistion. Ouais. Allons-y, c'est pas une question. D'accord. Bonjour, pour Paul, j'ai une question par rapport à l'INRA. Est-ce que vous travaillez avec l'Institut national de la recherche agronomique, puisque je trouve ça complètement complémentaire, les données que vous pouvez avoir. Donc c'est juste pour savoir si vous avez des projets en commun. Oui, on essaye de collaborer le plus possible avec différents organismes, l'INRA en particulier, et puis en Alsace, il y a l'INRA qui s'occupe de la vigne, donc c'est intéressant. Oui, pas trop, mais technique, là, pour M. Barbarel, essentiellement. Par rapport à ce que vous pouvez constater du point de vue du niveau des océans, depuis longtemps, déjà maintenant, on connaît un peu le géoïde de la Terre, qui n'est pas sphérique, mais qui est un peu comme une patatoïde. Et est-ce que vous-même, depuis que vous avez vos données, vous avez observé un gonflement de l'ensemble des masses océaniques? Oui, la valeur que j'ai donnée tout à l'heure, c'est celle-ci, c'est que donc à partir des altimètres, on mesure de façon en temps réel la topographie dynamique, dans laquelle il y a plusieurs composantes, comme vous signalez, il y a le joint qui rentre en ligne de compte là-dedans. Mais ensuite, en regardant les tendances ou la moyenne par an, on a une élévation au niveau de la mer de 3,2 mm par an, qui est mesurée, et qui s'explique par différents facteurs, dont un qui est celui de la dilatation thermique des océans. Voilà, donc, ça. Il explique une des parties de ces 3,2, et donc il y a toute une catégorie, tout un groupe de chercheurs qui travaillent à expliquer ces 3,2. Donc il y a la dilatation thermique des océans, et il y a la fonte des glaciers, il y a la fonte des glaciers. Donc il y a ces travaux-là. Mais oui, la réponse est claire. De ce point de vue-là, il est clair qu'il y a une explication qui est assez. Et de l'autre côté, et il y a une évolution inéluctable actuellement. Et oui, ça c'est mesuré, c'est constaté, c'est avéré. Et dans les modèles qu'on exploite à Mercator-Océan, on observe également une augmentation du contenu thermique. Donc quand on mesure effectivement cette température et ce contenu thermique, on l'observe dans nos modèles qui ont eux-mêmes assimilé ces observations-là. Tout est cohérent. Et est-ce que vous êtes axé essentiellement aussi sur El Niño ou pas? Alors El Niño, c'est donc vous le savez, c'est un phénomène qui couple océan et atmosphère. Et donc nous, on en a la partie océanique. On laisse ensuite aux organismes qui sont essentiellement des organismes météo ou des organismes de recherche qui font de la recherche sur le couplage océan-atmosphère. On leur laisse la phase suivante. Mais nous, on a une surveillance de ce qui se passe dans le Pacifique à partir de nos systèmes du côté de Mercator, et on peut effectivement surveiller, regarder et observer aujourd'hui la situation en termes de température et contenu thermique dans l'océan dans cette région-là. Toute dernière question, est-ce que vous avez beaucoup de relations avec vos collègues américains pour tout l'échange de données ou collecte de données que vous vous procurez? Oui, on a des relations avec les Américains depuis le début. Pour des raisons qui sont évidentes, c'est qu'on commence toujours par regarder du côté des États-Unis quand on fait des choses. Ça reste aujourd'hui, c'est pas forcément une obligation, parce qu'on a vraiment développé au niveau européen quelque chose de vraiment très grande valeur. Mais on a une collaboration avec les Américains, avec les, je l'ai dit tout à l'heure, les Australiens, les Japonais, les Chinois, les Canadiens, les Brésiliens, évidemment tous les Européens au niveau international. Et notre activité principale consiste à s'échanger toutes les prévisions qu'on fait. Donc ça nous permet de d'intercomparer nos systèmes et donc d'être capable de mieux apprécier la précision de nos prévisions. On échange évidemment toutes les observations dont on dispose, les sorties de modèles. Et ensuite, on va travailler sur se donner des critères de... On a tous choisi la même métrique pour qualifier nos systèmes. Par exemple, on va tous mesurer le transport d'eau à Gibraltar, le transport au niveau du Gulf Stream à tel et tel endroit, et on s'échange cette information pour pouvoir être capable en temps quasi réel de pouvoir comparer la prévision Mercator avec la prévision des Américains ou des Australiens dans tel et tel zone. Donc il y a une collaboration internationale qui est assez active, et je dois dire que depuis quelques années, ce sont les Européens qui mènent la danse là-dessus et qui relancent régulièrement la collaboration. Mais c'est assez équilibré dans l'ensemble du monde, c'est très intéressant. Une question? La mer, elle gonfle, et ta mère me gonfle. Je lui en veux à mort. secours, Mercator. Alors, je peux raconter à ce sujet que Mercator est né en 95 dans un petit village de Dordogne. Et à l'origine, moi j'étais tout jeune et j'étais le secrétaire de séance. J'ai cru que c'était vrai en fait qu'on pouvait faire de la prévision océanique, donc depuis je suis là-dedans. Et comme c'est dans le Périgord, pendant quelques années, à chaque fois on a eu le Périgord et la Mercator. Donc vous aviez des étiquettes. Tous les trois, est-ce que vous avez un rêve absolu là par rapport au travail que vous faites ? Pierre, Yann. Ouais, moi j'en ai un, le rêve absolu. C'est que. Qu'on arrête de faire des jeux de mots avec Mercator. Non, ça va, c'est bien ça. Non, il y en a plein d'autres. Hein. Mercator, ça va fort. On en a plein. Non, si on est de l'ordre du rêve, j'aimerais bien qu'en fait les informations qui sont les informations d'observation de la Terre, dont on entend parler de temps en temps, par exemple le trou d'ozone, par exemple l'élévation du niveau de la mer, par exemple l'énergie qui est disponible dans le golfe du Mexique lorsque dont on sait que ça va être un réservoir d'énergie pour les cyclones qui vont ensuite aller ravager les côtes américaines, comme on a cité Katrina tout à l'heure, que ces informations, qui sont des grandes informations qui ne sont pas très compliquées quand même, 3,2 mm par an l'élévation du niveau de la mer, on peut le retenir. Le trou d'ozone, moi je ne sais pas où est-ce qu'il en est là. Qu'on ait un certain nombre d'indicateurs et que ça rentre dans notre quotidien et qu'on se sente un peu concerné par ça, que finalement, au lieu d'apprendre le matin quand on se réveille le cours de la bourse, on est ça. Ce qui fait que quand on part travailler, on est influencé, enfin, de façon positive évidemment, par le fait qu'on est sur une planète qui est vivante, qui a un certain nombre de caractéristiques, qui évolue, sur lequel qu'on développe cette conscience de l'environnement qui est autour de nous, et qu'on connaisse le taux de propagation du hamster à tel endroit, ou de la salinité à tel autre, mais que ce soit quelque chose dont on ait une certaine conscience, parce que je suis certain que ça pourrait nous influencer. Une conscience de tout l'environnement dans lequel on vit, de la nature et de toute l'interaction qu'on a avec cet environnement. Ouais, pourquoi on parle toujours d'autre chose ? Si on arrive à continuer à faire ce pour quoi on s'est engagé, et à le faire bien, et avec de plus en plus de personnes, et en entraînant une communauté de jeunes scientifique là-dedans, bien on n'aura pas trop raté le coup. Et sauver le grand hamster aussi. Ah, en plus, oui, si en plus on peut sauver le hamster. Yann, Moi je pense quelque chose de très proche de ce que dit Pierre Bayerel. Hein. C'est, on parle de choses, on fait souvent des présentations, des exposés, on a l'impression un peu que c'est un film, que les gens ils viennent, ils regardent le spectacle, ils se disent « Ah ouais, c'est intéressant, c'est bien, c'est important. » Puis ils rentrent chez eux, avec leur voiture personnelle, ils ont pris deux voitures d'ailleurs, bien sûr. Une chacun. Oui, une chacun. Et puis ils vont toujours s'attacher à avoir le dernier gadget. Alors qu'on est face à une problématique, on a des indicateurs, on voit des choses, et ça reste quelque chose de très loin, très distant pour beaucoup de gens, et ils ne se préoccupent pas de ça. J'ai discuté avec les agriculteurs, ils font pousser du maïs dans le sud-ouest de la France. C'est une catastrophe, hein, le maïs, ça, il va pouvoir 7 mm par jour pour une perte de croissance. Et mais on leur dit, vous vous rendez compte? Ah oui, mais c'est ça qui est rentable. Ou alors j'ai acheté un système d'irrigation et maintenant il faut que j'utilise. On est confronté à des réalités économiques qui n'ont aucun rapport avec les vrais problèmes et on continue à se les coltiner. Et les gens qui pourraient, des vieux moyens, nous les premiers, qui pourrions prendre conscience de ces problèmes, et on s'attache à regarder ça comme une distraction. Merci tous les trois. On peut les applaudir, hein, merci. Merci à vous. C'est assez incroyable tout ce que vous nous avez raconté ce soir et tout ce qu'on peut faire depuis l'espace, tout ce qu'on peut apprendre sur justement notre environnement. Espérons que déjà, tous ceux qui étaient là ce soir en font quelque chose de bien. Écouteront, iront sur le site de Mercator, du CERTIT ou du CNES, plutôt que d'aller vérifier le cours de la bourse demain matin, si on jamais. Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez faire les deux. Moi, j'avais un souhait quand même à formuler. Je voudrais qu'on arrête vraiment de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Il n'y a ni raison valable ni nécessité de déshabiller Pierre pour habiller Paul, Yann, ni raison valable. C'est vrai. Au bac des sciences, chacun nourrit sa pensée, et chacun nourrit sa pensée.